Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107FM. Nous sommes le mercredi 21 juillet 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01, même, c'est Chris. Vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone l'Orage, chanteur et rappeur, qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur, de rappeur entre autres. Donc bonjour l'Orage. Ben merci beaucoup Chris, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Avec plaisir. Comment ça va ? Alors ça va pas mal, ça va pas mal. Je vous téléphone depuis la Suisse où j'habite. Bah. Et puis voilà quoi, mis à part cette situation un petit peu délicate avec le Covid, etc. Je vais plutôt bien. Merci beaucoup de demander. Avec plaisir. Et c'est le principal qu'il faut aller bien, c'est le principal. Donc du coup, avant, nos auditeurs et auditrices sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, mon nom de naissance, c'est Thibaut. Mon nom d'artiste, c'est L'Orage. J'ai 28 ans et puis ça fait à peu près 7 ans que je fais de la musique. Donc, j'écris du rap, je fais de la production musicale, un peu de mix et puis un petit peu de guitare. Mais à la base, j'ai une formation de polymécanicien et ensuite j'ai fait une haute école de life coaching. Donc j'ai un petit peu un parcours à gauche, à droite, comme on dit. D'accord. Et donc comme tu l'as dit, donc du coup ton prénom, on va dire civil, donc du coup comme tu l'as dit, c'est Thibaut. Et ton nom de scène, voilà, c'est L'Orage. Donc pour cette émission, tu préfères que je t'appelle L'Orage ou que je t'appelle Thibaut ? L'Orage, c'est très bien. Parfait. Donc avant de parler de ta carrière et de ta carrière du coup à proprement dit, et de parler entre autres de ton album intitulé Sauvage, sorti en 2019, donc j'allais te demander quel a été ton parcours personnel, mais du coup tu y as répondu, tu n'as pas fait d'études musicales. Non, effectivement, j'ai pas fait d'études musicales, j'ai pas fait de conservatoire. J'ai pour la plupart de tout ce que j'ai pu sortir musicalement dans, entre guillemets, ma carrière, c'est plutôt de l'autodidacte. D'accord, donc tu as tout appris par toi-même du coup. Oui, voilà, avec des gens qui m'ont aidé. Donc je suis pas toujours tout seul quoi. Il y a des gens avec qui j'ai commencé à faire de la musique, qui me faisaient des instrumentales, etc. Qui eux avaient un bagage un peu plus musical que moi, on va dire un peu plus sérieux à la base. Mais effectivement non. Alors j'ai pas fait d'études de lettres pour l'écriture des textes. J'ai pas fait de conservatoire pour la production musicale. Quoi que ça m'aurait plu, hein, mais peut-être que l'idée est arrivée un petit peu plus tard et j'étais déjà parti dans d'autres études que potentiellement j'avais trouvé plus sûres. Et par après, voilà, j'ai eu un petit peu cet amour inconditionnel pour la musique qui n'a fait que grandir. Et du coup, j'ai quand même fait un saut sur la musique. Et puis maintenant, il se trouve que la plupart de mon temps, je vais faire de la musique, mais quand même une partie, je vais coacher des gens, en fait. Donc, je vais faire du live coaching avec des gens en one-on-one, en privé, comme ça. D'accord. Et puis, c'est aussi quelque chose que j'aime énormément. J'ai fait une école à Genève qui s'appelle l'Académie Européenne de Coaching. Donc, voilà. D'accord. Bon, donc, petit résumé. D'accord. Donc, justement, ce travail de live coaching, on peut dire que c'est ton métier actuellement ? Voilà. C'est mon gagne-pain. Bah, ton gagne-pain, et du coup, tu as la musique à côté, mais est-ce que tu aimerais, par exemple, vivre un jour de la musique, ou est-ce que c'est vraiment en tant que bonus, la musique ? Alors, c'est une très bonne question. À la base, je m'étais dit qu'il fallait surtout pas que la musique devienne une obligation financière. Me dire, voilà, la manière avec laquelle je vais pouvoir... Enfin, l'argent avec laquelle je vais payer mon loyer, etc., doit pas venir de la musique, sinon... C'était ce que je me disais au début. Sinon, je risque de perdre un petit peu mon amour pour la musique et puis en faire plus de stress qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, écoute, fais ça vraiment comme passion à côté. Et en fait, ça, depuis l'album Sauvage, ça a fait un petit peu un effet boule de neige. Donc bon, je peux pas encore vivre de mes streamings, surtout que j'habite en Suisse. Donc les loyers sont assez chers, mm-hmm. Je gagne pas énormément d'argent, etc. Mais je me suis rendu compte de plus en plus que, en fait, malgré le fait que ça pourrait me stresser, etc., ça me plairait quand même bien. D'accord. Maintenant, j'aime toujours le live coaching. C'est aussi quelque chose que j'adore. Donc, j'essaie de trouver un équilibre, en fait, entre les deux. D'accord. Et donc, comme annoncé en introduction, du coup, tu es rappeur et chanteur. Donc, pourquoi t'es-tu orienté vers le rap, du coup? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, quand j'étais petit chez ma mère, chez mon père, c'était très mélomane dans la maison. Donc, il y avait vraiment beaucoup de musiques différentes. Mon père écoutait, ça passait de Johnny à du Eric Clapton, B.B. King... même du Nirvana, donc même si c'est un petit peu plus vieux, moi j'étais tout jeune, il y avait du Nirvana à la maison. D'accord. Et ma mère écoutait énormément de chansons françaises. D'accord. Donc voilà quoi, ça pouvait être du Jacques Brel, du Jean-Jacques Goldman, c'était très, très varié. Et en fait, une fois, mon père a acheté l'album de MC Solar qui s'appelait Cinquième As. Et en fait, c'est le premier album qu'on a pu passer à la maison que j'ai voulu écouter en boucle. Mais en boucle, quand je dis en boucle, c'est vraiment presque en overdose, quoi. Ça m'a fait un effet tellement intéressant, des frissons à entendre les paroles, la musique très bien mixée, etc. Et là, je pense que c'était le déclencheur. D'accord. Après, j'ai eu une grande partie de ce que j'ai écouté dans ma jeunesse. C'était plutôt du rock, du grunge, tu sais, des Sum 41, Blink 182, etc. J'ai eu cette phase-là. Et ensuite, revenu sur le hip-hop de nouveau. Donc, en fait, c'est pas une... comment dire? C'est pas uniquement le hip-hop ou le rap qui m'intéresse, mais à peu près tout genre de musique. Par contre, celui que j'ai essayé de faire, je dirais, de mes propres mains, de ma propre plume, ça a été vraiment le rap. Et puis je peux vraiment dire que l'événement déclencheur, c'était l'album de MC Solar, 5e As. D'accord. Donc du coup, nous sommes ici aujourd'hui pour parler, entre autres, du coup, de ton album Sauvage. Et comme annoncé juste avant, cet album est sorti en 2019. Mais quand est-il sorti précisément, si tu te souviens de la date exacte? Alors c'était le 3 mai 2019, sauf erreur. D'accord. Alors j'ai Spotify devant moi, je pourrais juste regarder ça très rapidement. Mais sauf erreur, je ne me trompe pas. Tu. Juste marqué 2019. Ouais, 3 mai. Ok. Et donc, du coup, j'ai écouté ton album en préparant mes questions, et même en dehors de mes questions d'ailleurs. Et pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement, pourquoi ce titre de Sauvage? Alors, le titre Sauvage est... la définition de Sauvage dans le cas de ce titre d'album, c'était plutôt le côté... renfermé sur soi-même, quelqu'un de sauvage, je sais pas si ça t'arrive d'utiliser cette expression, mais ce mec est un peu sauvage. Non pas dans le côté justement d'un sauvage qui va, comme on pourrait dire par exemple d'un élève qui est très très hyperactif, etc. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt genre je suis sauvage, un peu comme un loup, ou bien le côté un petit peu besoin de personne, renfermé sur soi-même. Et puis c'est un des traits de mon caractère qui est d'ailleurs toujours là, et puis une sorte de renfermement sur moi-même. Donc voilà pourquoi le titre. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est vrai qu'on ne me l'a pas souvent posé cette question. Oui. Et du coup, je ne l'ai pas préparé, mais effectivement, c'était ça, quoi. Le côté quelqu'un de sauvage, pour moi, c'est quelqu'un qui peut justement être un petit peu... à l'écart de la société, au niveau niveau un petit peu animal comme ça, du caractère. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, il y a pas de souci. Super. Maintenant, ton nom de scène, du coup, c'est l'orage, comme l'orage le fait météorologique, mais avec le L attaché. Donc nous n'allons. Donc attends, je suis perdu. Non, voilà. Pourquoi ce nom de scène de l'orage? Alors, c'est vrai que il n'y a pas d'apostrophe, donc c'est pas l'orage avec l'apostrophe. Mais c'était quand même en fait dans le but de parler de l'orage, le côté météorologique. Et puis c'était de nouveau un petit peu comme sauvage. c'est le but en fait d'englober peut-être un caractère qui peut être voilà, il y a des précipitations qui arrivent et tout d'un coup boum, il y a un éclair, ou alors il y avait une part du fait que j'ai toujours apprécié l'orage, vraiment ce moment où à l'extérieur ben ça va donner quoi, comme on dit, ça va donner. Et puis et puis le côté aussi de pouvoir être à la maison et puis que le temps à l'extérieur soit suffisamment mauvais pour pas pouvoir sortir, du coup ne pas avoir de comment est-ce qu'on dit de pouvoir sortir, enfin s'il fait beau par exemple dehors, on va se dire ah mais j'aimerais vraiment sortir, etc. Et puis pas avoir de comment est-ce qu'on dit, de regret, voilà, de regret d'être en fait à l'intérieur et puis d'écrire. D'accord. C'est surtout lié à ça en fait. Donc en fait c'est un moment météorologique où ça me plaisait énormément d'écrire, et du coup c'était une fois quand j'étais en train d'écrire et qu'il y avait l'orage, je me disais bah ça c'est mon moment quoi, c'est le moment où j'ai pas besoin d'être ailleurs et puis je dois pas me justifier de pas être sorti prendre l'air, etc. Du coup voilà, ça tourne un petit peu autour de ça, mais c'est sûrement un petit peu plus compliqué et subtil aussi, parce que il y a aussi le côté le nom me plaît tout simplement en fait, du coup voilà pour le nom. D'accord. Donc il est 14h, presque 13. Avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de ton album Sauvage d'ailleurs, et que nous partions attraper nos rêves avec ton morceau Attrape-rêve, que, comme tu le sais déjà, j'écoute en boucle à peu près tous les jours chez moi, personnellement. Super. Donc, ça fait plaisir. Ben c'est sincère, c'est un de mes morceaux favoris de ta discographie et même de l'album Sauvage d'ailleurs. Donc. C'est, il me semble, le deuxième morceau de l'album Sauvage. C'est juste, ouais. C'est le deuxième, okay. Exactement. Est-ce que, par exemple, on a le droit à un clip de cette chanson sur Internet? Non, alors malheureusement, on n'a pas fait de clip pour Attrape-rêve. Et on a fait un clip pour la première chanson qui s'appelle Pandora. Mm-hmm. Et je pense que vu l'attrait que les gens ont eu pour Attrape-rêve par rapport à Pandora, c'était peut-être une erreur. Une erreur, on va dire... marketing. Mais après c'était une question, c'était moi avec mon équipe, on s'était dit en fait cette chanson Pandora, il y a vraiment quelque chose à clipper, on avait une idée derrière, etc. Et bon, on a toujours fait tout un petit peu en indé comme ça, donc avec des moyens limités. Mm-hmm. Et du coup on s'est fixé sur Pandora, mais en voyant après les vues et puis l'attrait pour la chanson Attrape-rêve, on s'est effectivement rendu compte qu'on aurait dû peut-être, au niveau tactique, on aurait dû clipper Attrape-rêve. D'accord. Quoi qu'il en soit, on écoute du coup Attrape-rêve et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. À tout de suite. Après avoir percé, après la traversée, est-ce que vous m'accuserez aussi de commencer à commercer? Les erreurs du passé s'apprennent, je veux pas savoir comment demain s'appelle, à chaque jour suffit sa peine. Je veux pas brûler mes ailes, même si la misère est plus belle au soleil, je préfère ma terre émotionnelle. Perdez pas la tête à tenter d'entrer dans la mienne, escalade himalayenne à finir noyé dans la bière. Je sais pas, j'ai plus confiance en moi, je me promets, je me trahis pour me confesser 100 fois. Chaque matin je doute, est-ce que je vais dormir par terre? La famille sans toi, c'est un toit sans ses murs porteurs. Je resterai loyal envers ma tribu parce que je jouerai pas ce rôle ingrat que Babylone m'attribue. Être artiste pour garder les pieds sur terre, un pied dans la matrice et l'autre en trajectoire incertaine. Mes cauchemars m'avaient promis qu'ils me rattraperaient. Bienvenue dans la maison où les pièces sont remplies d'attrape-rêves. Le négatif s'est développé, j'ai trop joué dans le noir. Se dévoilent les photos de ma mémoire dans dans la baignoire. Tu connais cette anxiété qui t'empêche de bouger, de manger, de penser, effrayé par la foule et le désert. Quand les secondes deviennent des heures dans ce cyclone, les docteurs deviennent des archanges, des oiseaux en cage, cette beauté que l'homme saccage. 50 milliards d'hectares pour que le bonheur se cache. Trop d'années à se repasser, ces vieilles cassettes de mon passé, ça devenait insensé, je voulais tellement être insensible. À quoi ça sert de ressentir, à s'en blesser les veines, ces montagnes russes qui m'exaspèrent et osent me dire que j'exagère. C'est très rare que je m'ennuie et quand j'écris je m'enfuis. La ritaline me pourrit la vie mais je m'en fiche. Mes chances refroidissent tandis que l'alcool me réchauffe. Il est pas trop tard si tes rêves sont encore sains et saufs. Lentement, la vie prend son sens, ses tourments soufflant, le vent de la vengeance au tournant. Le temps s'accélère et on n'a pas l'habitude. Mes plus belles heures me regardent prendre de l'altitude. Y a du taf, jamais satisfait du résultat. Chasamant les minutes de silence entre les attentats. Je prends le chemin de moins de résistance. Je vois la censure à distance, ses yeux qui dévisagent avec insistance. Les gens me connaissent mais je reconnais plus les gens. L'histoire est une connasse, je préfère entrer dans la légende. CV en désordre et alors j'organise mon évasion pour plus avoir à recevoir des ordres. Créer le scandale dont j'ai besoin et je commencerai par la fin. J'ai la dalle d'un gosse amaigri par la faim. Je dis ce que je pense en tergiversé, décès des faux amis dont mes derniers versets sans une goutte de sang versé. Je travestirai plus ma vie pour un salaire de merde. J'ai traversé la mer, aujourd'hui je roule en sens inverse. Mon passeport a plus de tampons que mon téléphone. Je rattraperai mes rêves, même avec mes idées folles. J'apprends à m'écouter, à croire en mes couplets. Dans l'obscurité, je prends la force du bon côté. Si j'ai réussi, c'est dû ni au hasard, ni à la chance. À la naissance, j'ai prêté allégeance à l'art d'incarner la légende. Avec mes rêves, pas le droit d'être paresseux. Plus le droit à l'erreur si la fille que j'aime apparaît seule. C'est dû ni au hasard, ni à la chance. À la naissance, j'ai prêté allégeance à l'art d'incarner la légende. Avec mes rêves, pas le droit d'être paresseux. Pas le droit à l'erreur. Et la fille que j'aime apparaît seule. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h18. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter L'Orage avec son morceau Attrape-Rêve tiré de son album intitulé Sauvage. Vous nous écoutez peut-être chez vous ou pourquoi pas sur votre lieu de vacances sous ce beau soleil un peu partout en France. Donc nous sommes toujours en compagnie au téléphone de L'Orage justement qui est là pour nous parler de ce, entre autres de sa carrière. Ça va toujours ? Ça va toujours Chris, merci bien, et toi aussi ? Ouais ça va, merci. Avant de reprendre cette émission, y a-t-il quelque chose en particulier que tu souhaites raconter, un message que tu souhaites faire passer à travers ce morceau Attrape-Rêve ? Alors, c'est vrai que ce morceau, il peut être assez intéressant parce que je parle pas mal en fait d'un problème que j'ai eu sur pas mal d'années en fait. Le problème d'être un petit peu borderline. Le problème, enfin, je ne vais pas voir ça comme un problème maintenant, je vais plutôt voir ça comme un trait de personnalité. Il m'arrive d'avoir en fait des hauts et des bas, une sorte de roller coaster, de montagne russe d'émotions. Et c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer dans cette chanson. L'instrumental a quelque chose de très, très émotif. Du coup, ça m'a donné envie justement dans ce son de faire quelque chose qui soit en rapport avec cette sensibilité un petit peu exacerbée qui a été difficile pour moi à dompter en fait pendant une grande partie de ma vie. Maintenant, c'est beaucoup plus comment dire. J'ai l'impression que j'ai pu dompter un petit peu l'animal qui était en moi à ce niveau-là et puis que j'ai pu apprendre à avec le temps à aller mieux, en fait. D'accord. Et ensuite, comme nous venons de l'entendre dans ce morceau Attrape-Rêve, nous entendons du coup que tu aimes beaucoup jouer avec les mots, utiliser des mots ayant les mêmes sonorités qui pourraient se ressembler entre eux. Donc pourquoi avoir fait ce choix d'utiliser des mots presque similaires, mais qui veulent dire du coup, qui ont un sens différent ? Alors, Il y a quelque chose qui est pour moi assez important de dire par rapport aux rimes dans le rap en général, ou alors dans le slam, ou même dans n'importe quel genre de musique qui se rapproche du hip-hop. On a les rimes, donc ça tout le monde connaît. Les rimes, c'est quand ça termine de la même manière. Mais on a aussi les assonances et les allitérations. Et puis on a aussi simplement des mots qui vont se ressembler. Et j'ai appris en fait à jouer avec ça. Donc il y a le côté sonorité tout simplement. Donc ok, alors si je fais une phrase qui rime, est-ce que je veux faire simplement rimer la fin de la phrase avec la fin de la phrase? Ou est-ce que je vais essayer de faire rimer tout en multisyllabique? Essayer de faire rimer le maximum et puis de vraiment faire un choix de mots qui soit plus intéressant, un peu plus complexe. Donc ça me prend plus de temps à écrire une chanson comme ça que si je dois faire par exemple un petit freestyle ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de pensées qui sont mises dans mes rimes. Et puis, je pense que je me suis beaucoup inspiré aussi d'autres artistes qui en fait m'ont fait hérisser les poils, on peut dire, en entendant justement une certaine complexité dans les assonances, dans les allitérations, un travail en fait sur la rime la rend plus intéressante et peut-être aussi plus fluide dans sa totalité. D'accord. Et donc justement dans ce morceau Attrape-Rêve, une phrase ou plutôt un groupe de phrases m'a marqué, si on peut dire, c'est le refrain quand tu dis, je cite, si je réussis, c'est dû ni au hasard ni à la chance, à la naissance j'ai prêté allégeance à l'art d'incarner la légende, avec mes rêves, pas le droit d'être paresseux, pas le droit à l'erreur, et la fille que j'aime apparaît seule. Fin de citation. Là on remarque ici le jeu avec les mots, mais que souhaites-tu faire comprendre à travers ce refrain? Alors déjà, si je réussis, c'est dû ni au hasard ni à la chance. C'est plutôt, c'est pas pour dire que je réussis. Enfin, on peut le prendre en disant, ok, si le mec dans son refrain va dire ça, ok, si je réussis, ça peut vouloir dire je réussis parce que, mais ça peut aussi vouloir dire si dans le futur je réussis, c'est pas dû au hasard, c'est pas dû à la chance, c'est surtout dû au travail. Voilà, il y avait ça. Mmh. Et puis après, il y a une partie aussi dans toutes mes chansons qui est un petit peu un peu plus égotripée, où j'essaye de me dire que l'orage n'est pas forcément Thibaut, et où je peux aller un petit peu plus loin dans mon imagination, etc. Donc si je dis par exemple j'ai prêté allégeance à l'art d'incarner la légende, ça peut paraître un petit peu mélomane comme ça. Ok, le mec il se prend pour quoi et tout. C'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir dire, c'est que dans la musique, on peut vouloir aussi trouver des choses qui ne sont pas totalement le reflet de ma vie au jour le jour en fait, mais aussi celle du personnage de l'orage. D'accord. Et ensuite, en faisant du coup mes recherches en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que dans ta vie, tu as pas mal voyagé, tu es passé par exemple par l'Angleterre, par l'Amérique du Sud, par le Mexique, qui est d'ailleurs un pays que j'adorerais visiter à titre personnel, et par la Californie. Donc quel était ton objectif derrière tous ces voyages? Était-ce pour, par exemple, t'inspirer? Alors, c'est vrai que ça m'a énormément inspiré de voyager. J'ai fait un voyage en fait de une année entière. Donc j'avais quelques économies, mes parents m'ont aussi aidé avec l'assurance maladie, etc. à l'époque quand je suis parti. Mmh. J'en avais besoin, je pense que c'était quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps, mais c'était plus un voyage interne et spirituel, parce que j'ai voyagé tout seul, que simplement un voyage pour le tourisme et puis la découverte. Et puis il s'est trouvé que j'ai commencé mon voyage en Colombie, je suis arrivé à Medellin, et puis je me suis dit il faut que je fasse ça maintenant, ce rêve de faire un voyage, il faut que je le fasse maintenant, parce que peut-être que d'ici quelques années j'aurai des enfants, peut-être que j'aurai commencé à travailler et que ce sera plus possible, etc. Donc je suis très heureux de l'avoir fait. Et J'ai par exemple une chanson qui s'appelle Château de cartes. Et cette chanson, je l'ai écrite presque sur justement une année entière, dès le début où je suis parti jusqu'à la fin en revenant. Et je l'ai enregistrée en revenant en Suisse. Et voilà. Donc effectivement, ça m'a énormément inspiré. Ça m'a aussi ouvert l'esprit d'une manière fantastique et fabuleuse. Et grâce à ce voyage, j'ai pu vraiment prendre confiance en moi et ma capacité en fait à me retrouver dans certaines situations seul à l'autre bout du monde et puis et me débrouiller en fait tout simplement. Donc ça a été une grande inspiration. C'était aussi un peu un projet que j'avais de faire et puis ça a été le moment opportun, un moment où j'étais pas forcément très très sûr de ce que je voulais avec ma vie. Et en fait, cet aparté, ce voyage m'a permis de remettre pas mal de choses à plat. Donc pour moi, ça a été un voyage, au final, très constructeur dans mon caractère, dans ma confiance en moi et simplement dans la vision que je peux avoir du monde et puis d'aller voir d'autres cultures. Parce qu'effectivement, je suis resté 3 mois en Californie. C'était super, mais c'est très similaire. La manière de fonctionner est très similaire à la nôtre, chez nous en Europe. Et par contre, quand on va au Mexique, au Guatemala, en Colombie, on se retrouve un petit peu dans quelque chose de différent, où les priorités sont différentes. Et ça m'a fait aussi du bien de voir que c'était possible, et puis que la course de rat dans laquelle on a l'habitude, enfin c'est pas négatif ce que je vais dire, mais l'espèce de le job de 8 à 5 tous les jours, etc. C'est quelque chose au final de très carriériste que les occidentaux ont presque dans le sang comme une sorte d'obligation, et c'est pas partout pareil. Donc je peux te donner un exemple. En fait, quand on va arriver par exemple je sais pas à Paris et qu'on va rencontrer quelqu'un de nouveau, la question numéro un que les gens vont avoir, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour dire comment est-ce que tu gagnes ton argent finalement. Aussi bien sûr pour demander quelles études est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, mais c'est souvent axé sur qu'est-ce que tu fais, en fait, quel est ton travail. Et quelque chose de très très intéressant, c'est que quand on est par exemple en Colombie, j'ai jamais eu cette question de la part de tous les gens que j'ai rencontrés. La question principale, ça va être et toi, tu fais de la musique, est-ce que tu joues d'un instrument? Comme si en fait le côté travail, le côté gagne-pain était moins intéressant et secondaire. Donc les gens vont peut-être plus s'intéresser à toi en tant que personne, les hobbies que tu peux avoir, ta famille, le sport que tu vas faire, plutôt que de regarder où la personne en est dans sa carrière. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas, en fait. Ça peut paraître peut-être une évidence pour certains, surtout pour les personnes qui ont pu voyager, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, finalement. Je me suis dit, bah en fait, il y a différentes façons de vivre, de voir les choses, différentes façons de rencontrer des nouvelles personnes. Et pour moi, c'était totalement bénéfique et incroyable. D'accord. Voilà. Ensuite, je crois savoir que tu es le fondateur d'un label qui s'appelle Hazard Records. Voilà, Hazard Records, exactement, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors, si tu veux, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était plus ou moins en 2014, 2015 peut-être, j'écrivais dans ma chambre, on va dire pour moi. Peut-être d'abord par peur simplement de d'être jugé, quelque chose qu'il faut aussi un petit peu dompter quand on fait de l'art, de n'importe quel type d'art finalement. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai pu montrer mes textes à certaines personnes ont aimé, certaines personnes m'ont dit d'aller plus loin. Donc j'ai contacté quelqu'un que je connaissais pas encore à l'époque, qui est Antoine Kratinger, qui est maintenant justement la personne avec laquelle on a fondé le label. Et j'ai commencé à enregistrer chez lui. Il enregistrait dans la cave de ses parents. Il avait monté un petit studio avec un micro et puis un petit peu, amateur comme ça. Mais lui était en fait dans l'idée de reconstruire un studio après, une fois qu'il aura quitté le foyer familial, de reconstruire un studio ailleurs et puis de monter un label. Donc moi je lui avais proposé, quand il a commencé à décider, se décider à partir de chez ses parents, je lui ai dit, ben écoute, on pourrait, essayer de monter une association d'abord. Comme vous et votre radio, sauf erreur, est associative, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc au début on a commencé comme ça. D'accord. Et ensuite on a eu la chance de trouver un local suffisamment grand et suffisamment, bon marché au niveau de la location. Et on a construit en fait le studio de A à Z parce que c'était une cave un petit peu dans une zone industrielle relativement lugubre, si je puis dire. Et on a rajouté du parquet, on a insonorisé, on a fait venir un acousticien, etc. Donc ce projet a pris un certain temps à être monté. Et maintenant, le studio est terminé et on a des gens qui viennent enregistrer chez nous. Donc le but, en fait, de Hazard Records n'est pas vraiment d'être rentable et de faire de l'argent avec ça comme un studio professionnel dans lequel on va booker des gens simplement pour enregistrer leurs projets. On le fait aussi un petit peu, mais à la base, c'était pour nous. Donc maintenant, on est trois. Il y a justement Antoine Kratinger, celui qui s'est occupé de pratiquement toutes mes instrus au début, qui s'occupait aussi du mix, etc. Et maintenant, on est trois, donc c'est Antoine Moleskine. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre certaines de mes chansons en featuring avec un certain Moleskine. Si, oui, j'ai entendu. Donc, ce Moleskine, c'est Guillaume Fleury, c'est un ami à moi d'enfance qui faisait du rap déjà avant moi, en fait. Et on s'est très bien entendu les trois, alors du coup, on a continué cette structure associative. Et puis voilà, donc maintenant, on en est toujours plus ou moins là. Et on est en fait indépendant de A à Z quant à la création des textes, des instrus, et puis finalement tout le côté artistique, créatif. D'accord. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un petit peu notre indépendance à ce niveau-là. D'accord. Donc il est 14h33. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence musicale, dans un deuxième extrait de ton album Sauvage, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 4 de l'album, me semble-t-il, morceau intitulé Le Chanteur, qui va nous permettre de traverser, comme le titre l'indique, la vie d'un célèbre chanteur, car je crois savoir, en effet, que ce morceau est comme un hommage envers un grand chanteur de variété française que tu apprécies tout particulièrement. Donc, on écoute ce morceau, et on se retrouve juste après pour savoir qui est ce célèbre chanteur. Donc voilà, donc on écoute L'Orage avec le chanteur et on se retrouve juste après. Parfait. Tu peux m'appeler L'Orage, 20 ans de rage, 5 ans de rap, je vais éclater un de ces 4, 1m74 de ces 4, enveloppe caucasienne, peau cassée sur des sons à l'ancienne, qui sème le premier arrivé, récolte l'avant-scène. Overdose d'Eminem et Nas, ressuscité pour une mission, montée en haut sans faire de pléonasme. Paraît qu'il n'y aura plus d'anonymat. À force de se cacher, la vie va dupliquer partout la même image. Imagine le pire des synopsis. Et ajoute-y encore Black Mirror, saison 4, épisode 6. J'ai crevé l'abcès avant d'en ramasser la conséquence. Si je me tire une balle, ça tuerait dans leur plan séquence. Des fois, je regarde ma montre et la seconde s'arrête. Accepter d'être fou sans rien laisser transparaître. Je suis l'homme de pluie, j'ai été créé pour dilapider ma salive. Maintenant, mate la page se salir. Je veux plus pédaler dans la machine au secours. Attendre sa retraite, c'est garder le sexe. Pour ces vieux jours, j'allais pas rester là les bras croisés à rêver de ces pages froissées. Alors maintenant laissez-moi cracher. Je ride sur les samples, sur l'autoroute de la vie, je roule à 150 et je respire l'odeur de l'essence. Dérapage au volant de la vie, la musique m'a redonné l'envie de vivre. Dur de boire avec modération, quand modération n'a pas soif. Les résolutions qui passent comme de l'eau dans la passoire. Mes enceintes mettent au monde et tout le monde est en sang. On fait des tonneaux, putain, la vie est étonnante. C'est trop tard, je m'exhibe en tant qu'autodisciple parce que j'arrive pas à accepter d'être invisible. Un wagon de retard ou un tour du monde d'avance, excusez mon français et ma nonchalance. sens. Capricieux, je veux devenir la graine de l'envolée des pissenlits qui s'envolera le plus loin. Je veux devenir le même que j'étais quand dans mes rêves je pouvais revenir en arrière et changer à volonté mon destin. Oh, la weed me garde haut comme mon potentiel et mon ego me jette son mégo depuis son arc-en-ciel. Tout le monde t'aime mais ta vie est presque aussi fragile que les points névralgiques de tes vieux Tamagotchi. Ton premier rail devenu tout patraque. Glissant sur tes choix, oups, t'es tombé dans la pipe à crack. Personne à ta table, tu vis comme Bojack Horseman. Un peu de whisky dans le coca, un peu de coca dans l'aspartame. Dans ta chambre en attendant que l'aube t'endorme. Poumon vert de chanvre parce que tout te saoule quand tu te sens sobre. Ta confiance en toi comme l'Israël en la Palestine. Brûle tes moleskines, tu vis dans le succès d'estime. Les yeux du Capitaine Morgan dans sa cale. Tu fais honte à voir comme Batman qui s'achoppe dans sa cape. T'as la haine contre toi-même et tu la canalises mal. Ta carrière a pris des cernes au cannabis noir. Tu veux mourir malheureux, la vraie gloire est posthume. Devenir immortel, c'est mieux qu'être une imposture. Tu veux qu'on t'étudie en cours de littérature et qu'il sculpte le statut de toi, grandeur nature. Attention à ce que tu demandes au ciel. Tes prières pourraient bien finir par te tomber sur la tête. À ta place, je relancerai pas l'affaire. Offre un jus d'orange à l'homme qui t'a balancé par la fenêtre. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h37, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogemozo.radio-website.com/ partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter L'Orage avec son morceau intitulé Le Chanteur et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de L'Orage justement qui est là pour nous parler entre autres de sa carrière. Donc est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, L'Orage ? Un très très bon moment. Je te remercie bien et puis tes questions sont super. Bah, je te remercie. Donc du coup, même question que pour les premiers extraits. Comme je l'ai dit avant d'écouter cette chanson, cette chanson justement, Le Chanteur, est une sorte d'hommage à un célèbre chanteur français. Tout à fait. Alors c'est, je ne sais pas si certaines personnes ont pu... déchiffrer qui c'était, mais c'est Daniel Balavoine. Voilà, donc un des chanteurs, je te disais tout à l'heure que avec ma mère, on écoutait beaucoup de chansons françaises, dont justement Balavoine. Et puis, il a une chanson qui est relativement connue de tous, qui s'appelle également Le Chanteur. En effet. Ensuite, du coup, nous allons reprendre cette émission, on a encore du temps. Donc, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que tu n'as jamais eu de tabou ou de honte à parler de sujets personnels, que ce soit dans le rap ou dans la vie quotidienne. Donc est-ce que tu dirais que le rap et la musique en général te sert en quelque sorte de journal intime, d'exutoire ? Alors totalement, totalement. C'est pour moi, une thérapie. Alors il y a des gens qui vont pouvoir se lâcher en faisant du sport à haut niveau, certains vont pouvoir se lâcher en faisant de la peinture, etc. Pour moi, le côté écriture doit toujours rester proche de ce que je ressens. Et pour moi, c'est vraiment une thérapie, en fait. Je peux dire exactement ce que je pense, exactement comment j'ai pu me ressentir. Et une fois que c'est sur le papier, étonnamment, ça va mieux. donc oui, c'est vraiment pour moi un journal intime. C'est vrai que souvent... c'est relativement personnel. Après, j'ai aussi des chansons qui vont être un petit peu plus dans l'ego trip, mais c'est tout à fait ça. D'accord. Ensuite, est-ce que tu as envie, on va dire, à travers ta musique, de casser les codes, en quelque sorte ? Alors, casser les codes, je dirais oui et non, dans le sens que j'ai pas pour but, avec ma musique, de faire quelque chose de révolutionnaire. Et je pense d'ailleurs que c'est pas le cas, dans le sens que il y a déjà beaucoup de rappeurs et d'artistes qui vont pouvoir faire des chansons qui sont très personnelles, très ravagées, qui vont parler directement de leurs émotions. Donc, pour moi, c'est plutôt une sorte d'héritage. C'est quelle marque est-ce que je peux laisser? Et puis, je me suis rendu compte avec le temps, en laissant quelques mois passer après la sortie de certaines chansons, que bah, des gens venaient vers moi en me disant, non pas j'ai trouvé super stylé ta musique, mais plutôt je me suis vraiment reconnu dans tes textes. Et ça me fait du bien, parce que je sais que ça fait du bien aux autres aussi de se dire, je suis pas seul. Voilà, ils parlent de dépression, ils parlent de consommation, que ce soit d'alcool ou bien de cannabis ou quoi. Et puis, ça peut être des sujets qui sont très tabous, on ne veut pas forcément en parler. Et pour moi, c'est salvateur, je dois l'avouer, de pouvoir en fait tout lâcher. D'accord. Ensuite, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que dans tes morceaux, tu proposes des souffles mélodiques et des rafales de mots. Explique-nous un petit peu ces images de souffle mélodique et de rafale de mots. Alors, y a, de nouveau, pour reparler un petit peu de la structure de mes rimes, j'aime beaucoup le rap multisyllabique, donc qui va faire rimer en fait plusieurs syllabes et non pas simplement la toute dernière en fin de phrase. Et quand on écoute un petit peu mes chansons, on peut se rendre compte que j'essaye en fait de tout donner. Au niveau de mon souffle, au niveau de... Voilà, quand j'arrive, j'essaye en principe d'enregistrer tous mes couplets en, comme on dit, en one shot, c'est-à-dire en une prise. Ça veut dire que, par exemple, le chanteur qu'on vient d'écouter, alors, j'ai pas enregistré la chanson en entier, mais par contre, chaque fois que t'entends un couplet, il a été enregistré en une prise. Donc voilà peut-être comment je pourrais décrire ce souffle dont tu me parles. D'accord. Ensuite, tu l'as dit du coup un petit peu plus tôt, donc du coup tu as déjà collaboré avec ton ami d'enfance, mais tu as aussi également collaboré avec une certaine Ophélie. Tout à fait. Parle-nous-en un petit peu de cette collaboration avec cette femme Ophélie. Alors Ophélie, c'est une personne que j'ai rencontrée via ma colocataire il y a quelques années. C'était une de ses meilleures amies. Et puis, elle faisait aussi de la musique, elle écrivait aussi ses chansons. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié son timbre de voix, que je trouve justement spécial et très unique. Et du coup, je la voyais assez souvent... à la coloc, venir simplement nous rendre visite. Et une fois, je lui ai proposé de faire quelque chose ensemble. Et du coup, moi, j'avais une chanson qui était pratiquement complètement écrite, et puis une instrumentale qui allait bien ensemble, mais j'avais pas de refrain. Donc, je lui ai fait écouter, etc. Et puis elle m'a dit, ben écoute, moi je t'écris avec plaisir quelque chose pour le refrain. Et du coup, on s'est vu au studio, et puis on a commencé à regarder un petit peu. Elle avait écrit quelques phrases, etc. Et puis une fois qu'on était content, ben elle est venue enfin le même jour d'ailleurs, elle a posé justement le refrain sur cette chanson. Et puis je suis très content du résultat. D'accord, donc maintenant, du coup, pour faire le petit rapprochement, je te propose du coup d'écouter cette chanson que tu as enregistrée avec cette jeune chanteuse, donc Ophélie, chanson intitulée « À voix haute ». Donc, oui. À titre personnel, une nouvelle fois, je trouve que ce morceau est également une très jolie chanson et que vos deux voix s'accordent plutôt bien l'une avec l'autre. Donc, on écoute donc ce morceau que tu chantes avec Ophélie, du coup, et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission déjà. Donc, à tout de suite. À tout de suite. J'ai eu 1100 fois la preuve que l'univers est en nous. J'apprends à manifester des rencontres et des rêves étonnants. Je sais pertinemment que rien n'a vraiment d'importance. Mais dans le jeu de l'homme, s'entreconnaître semblait le meilleur plan. On est venu poussière, on reviendra poussière d'étoiles. Au moment exact où on remontera pour signer nos toiles. On a les armes pour le faire, j'ai perdu toutes mes peurs. Quand j'ai compris que c'est la souffrance qui a séché mes pleurs. Pour moi c'est l'âge de croire que ce que l'on voit, la peine est vive quand la plaine est vide. Au cimetière de nos devoirs, élevé par le péché, redescendu par la vertu. C'est pour ça que je reste accro à l'amertume et à la verdure. J'ai jugé Dieu sans apprendre à le connaître. Il m'a laissé sauf malgré cette faute à ne pas commettre. J'apprends hier, j'essaie de vivre aujourd'hui et de semer pour demain. Le sable du temps me file entre les mains. T'as que 16 ans alors cesse donc de creuser cette tombe. Prends ton temps à chaque instant même si la saison s'estompe. Mon frère, si tu n'as que pleurs pour ce larme, n'attaque pas le misérable avec la lame du fusil de tes larmes. Arrête jamais d'apprendre, la vie n'arrête jamais d'enseigner. Laisse-la te frapper jusqu'à voir tes dents saigner. Tu grimperas pas l'échelle du succès, les mains dans les poches. Tu régleras rien à tes problèmes en ignorant tes proches. Réserve-toi le droit de faire tes choix. Parce que t'as de l'or au bout des doigts, parce que t'as en toi un bout d'étoile. Les misérables coupent leurs chaînes, que les chaînes et les érables prennent de la hauteur. Rendre à nature ses droits d'auteur. Besoin de sommeil, si je reste éveillé, mes rêves s'en mêlent. Dans les bras de Morphée, je m'émerveillerai de ce qui m'emmerde. Je m'émerveillerai de ce qui m'emmerde. Si je vis pas mes rêves, autant me rendormir. Près du vent, dégoûté de voir que l'homme d'affaires a pris du ventre. Je suis seul à l'intérieur dans une prison d'erreurs, négligé par cette obsession d'être adulé par le monde extérieur. Je râle parce que la vie banale me rend malade. Aucune balade à l'hôpital répond à l'appel de mon rêve de gloire. Il se sentait flèche, tu te sentais cible. À partir de maintenant, prends ton arc et tire un coup dans l'impossible. Aux ennemis que j'ai tabassés, que dans mes rêves et dans l'état de Tabasco, passé à cracher mon art dans les règles. On a grandi ensemble et nos chemins ont pris de sens. L'adolescence est à l'amour, le feu dans un bidon d'essence. C'était plus simple de s'éloigner que d'apprendre à se comprendre. Trop souvent on met trop loin à confronter l'autre à ce qu'on pense. Marley Gérine, le cœur brisé, l'angoisse au ventre. Dans les marées de la vie, je veux me marrer de l'avenir, visage au vent. Je crois en quelque chose de plus intelligent. Même si je ne porte pas ma croix, Dieu pourrait s'inviter dans ma légende. Je rêve de voir de mon vivant que les choses changent. Que mes enfants poussent dans les champs pendant que les oiseaux chantent. Chaque rime a un sens et j'en connais l'effervescence. L'adolescence est sûrement moins blessante quand on la passe à 30. Le monde est ainsi fait, mais il faut s'y faire. On a tous des moments de tout, ou même le plus beau silence vocifère. Voyager m'a donné envie d'écrire des livres. Et c'est parfois qu'à l'arrivée qu'on se rend compte que le trajet nous délivre. Chakra serré sous la cravate, mes fiches de paye me tiennent en laisse. J'agrafe les bords de ma crevasse, qu'elles me maintiennent en l'air. La vie donne, c'est plus dur combat, c'est plus fort soldat. Mais ton ennemi s'en tape de savoir quelle force t'as. On est très bon dans ce qu'on fait de pire, je lutterai pas. Mes neurones deviennent des confettis, mais je chuterai pas. L'Orage en duo avec Ophélie, avec leur morceau à voix haute sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio, et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous êtes toujours bien sûr en direct, il est 14h50 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de L'Orage justement, qui est là pour nous parler entre autres de sa carrière. Tout est toujours bon pour toi ? Tout va bien, je te remercie. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais. Quel est le message, s'il y en a un, que tu souhaitais faire passer, du coup, avec Ophélie, à travers ce titre, à voix haute? Alors, pour être honnête, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas écouté. J'ai assez tendance à ne pas trop réécouter mes chansons pour pouvoir rester dans la nouveauté de ce que je vais sortir bientôt. D'accord. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de changements entre ce que je fais maintenant et puis ce que j'ai pu faire dans À Voix Haute. Mm-hmm. C'est une chanson très douce, finalement. Donc, si c'est la seule chanson qu'on fait et que je fais écouter aux gens, les gens vont se dire « Ah, tu fais de la musique, tu fais du rap très, très doux, etc. » Et je suis très content justement qu'on puisse se dire que, enfin que je puisse me dire que j'arrive à faire des choses dans différents domaines, d'avoir différents domaines de compétences dans l'écriture, si je peux dire comme ça. À travers cette chanson, c'est drôle parce qu'elle a un petit côté un petit peu moralisateur envers moi-même. Donc c'est comme si je me parlais en fait à moi-même en étant un petit peu plus jeune. Ou alors que je parle à d'autres personnes qui sont en train de souffrir et puis qui doivent voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et puis voilà, donc ma réponse reste peut-être assez vague, mais c'est plus ou moins ça. D'accord, donc comme tu dis, la douceur de la chanson, parce que non seulement aussi avec la voix du coup d'Ophélie, qui est aussi une voix très douce, donc ça on va dire, ça adoucit justement le rap en question dont tu parles. Oui, tout à fait. Et puis justement, ça tend un petit peu vers de la pop, peut-être. Mm-hmm. Après, c'est vrai que, bon, en ce moment, quand on écoute le rap actuel, on a aussi des femmes qui font le refrain, etc. Mais mm-hmm. c'est plutôt, en fait, un genre qu'on pouvait retrouver dans les années... entre 2000 et puis je dirais 2010, quand on regardait par exemple des cyniques qui faisaient aussi des chansons avec une chanteuse, etc., ou énormément d'autres. C'est vrai que voilà, pour moi il y a une petite tendance un petit peu presque un peu pop, même si dans mes couplets je suis resté très très rap. Il y a très peu de notes, simplement des intonations que je prends, mais très peu de notes finalement. Et du coup, je suis très content d'avoir pu faire ça et puis de me dire, ok, maintenant je suis aussi capable de passer à autre chose et puis de faire des choses un petit peu plus égotrip, parfois avec un petit peu moins de sens, et puis me dire, bah, en fait, j'ai pu réussir à faire les deux et j'en suis très heureux. D'accord. Ensuite, du coup, j'ai également vu, en préparant cette émission, je cite que, justement, l'orage rap comme l'on se confie, mêlant en question existentielle et sentiments agités, délicatesse et âpreté. Fin de citation. Là aussi, on retrouve vraiment cet aspect exutoire et journal intime dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc, est-ce que tu dirais que la musique est un très bon outil pour dire ce qu'on ne serait peut-être pas forcément capable d'exprimer en parlant normalement? Alors, tout à fait. Moi, je pense que la musique en général, encore plus la musique lyrique, évidemment, s'il n'y a que des instrumentales, que des instrumentaux, je ne sais pas comment on dit, on aura moins ce côté-là. Quand je me mets à écrire quelque chose, je peux me dire, ok, qu'est-ce que je veux dire? Je vais écrire une petite phrase, je vais me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire? Je vais tracer la phrase et la réécrire d'une autre manière. Ensuite, je vais recommencer, je vais me dire, ah, est-ce que je peux encore perfectionner ça, aller un petit peu plus loin dans le sens exact de ce que je ressens, de ce que je veux. Et c'est seulement au moment où cette phrase, cette rime ou ce couplet est vraiment très ressemblant à ce que j'ai voulu donner à la base, que je suis satisfait. Donc il y a totalement ce côté journal intime qui revient. Et pour moi, c'est vraiment une manière de dire de manière précise ce qu'on a pu ressentir, étant donné que j'essaie de prendre le temps de me dire, ok, je l'ai dit comme ça, alors ça me convient, mais pas encore à 100%, donc je le trace et je recommence, jusqu'à ce que je sois vraiment content. Et du coup, En principe, au moment où la chanson sort, le texte a été suffisamment travaillé pour que j'ai pu vraiment vider mon sac et dire, préparer en fait ce que je voulais vraiment dire. Donc, ce qui est, voilà, ce qui est très différent d'un débat, par exemple. Quand on entend un débat, on a souvent des gens qui vont dire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément préparé, qui vont dire quelque chose et après le regretter, etc. Donc là, ça me donne cette possibilité en fait de dire quelque chose, d'avoir un petit peu de recul, de tracer et de recommencer. Donc effectivement, c'est une chance quand on écrit de la musique, c'est cette espèce de... C'est le contraire de l'improvisation en fait, c'est le travail un petit peu en détail de chaque rime. D'accord. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Si nous voulons nous procurer par exemple ton album Sauvage, comment pouvons-nous faire ? Alors, j'ai une page sur Bandcamp qui s'appelle Sauf Erreur. Alors, je vais juste la rechercher, Bandcamp Laura, comme ça je peux vous donner le lien. Étant donné qu'on est complètement en indépendant, bon, j'ai signé récemment chez Believe à Paris. Donc c'est le distributeur de PNL, de Jul, de Youssoupha, ils ont aussi Cynic, donc ils ont des gros. Mais on est quand même signé en tant qu'indépendant, c'est-à-dire qu'on fait encore tout nous-mêmes. Et puis on n'a pas, mes albums ne sont pas à la FNAC par exemple. Donc si vous voulez vous procurer l'album en version physique, ma page ce sera le https. 2.// l'orage en un mot sans apostrophe l'orage1.bandcamp.com. Donc si vous allez sur Bandcamp, vous tapez l'orage, vous devriez trouver normalement ma page. D'accord. Donc si nous voulons suivre pareil l'avancée de ta carrière, comment pouvons-nous faire? Alors je pense que le plus intéressant ce serait de me suivre sur Instagram. Parce que Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Donc, quand je prépare quelque chose, je mets souvent une story sur Instagram, qu'on soit au studio, ou alors qu'on soit chez moi en train d'écrire, ou alors que je sois simplement tout seul en train d'écrire. Je donne pas mal de nouvelles, en fait, sur Instagram. Donc là, ma page Instagram, ce sera très en bas, l'orage très en bas. Donc si jamais, voilà, et puis sinon, évidemment, sur toutes les plateformes, je suis absolument sur toutes les plateformes de Spotify Music, à Tidal, à Apple Music, etc. Donc si vous voulez vous concentrer sur ma musique, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme de streaming qui vous convient le mieux. Et puis si vous voulez suivre un petit peu de plus près, je conseillerais Instagram. D'accord. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, l'orage, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, merci à toi. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Alex et un nouveau programme proposé par Radio Guémozo intitulé Pigments et Palettes d'ici quelques minutes à 15h, dans lequel il nous parlera du peintre Jean Fouquet. Quant à moi, je vais prendre quelques semaines de vacances et je vous donne rendez-vous le lundi 9 août de 14h à 15h en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à bientôt.